Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 87. Comment l'âme se connaît elle-même et connaît ce qui est en elle? L'âme se connaît par ses opérations, elle connaît ses habitudes par leurs actes, l'intelligence elle-même se connaît par son acte, elle connaît aussi les actes de la volonté. 1. L'âme se connaît-elle par son essence? L'âme humaine se connaît par ses actes, et non par son essence. Je sais que j'ai une âme intelligente, parce que j'ai conscience de l'exercice de mon intelligence. Je connais ensuite la nature de mon âme par la nature des actes de mon intelligence. Mon âme, pour connaître ce qu'elle est, s'étudie dans ses opérations actuelles, comme on observe les actes d'un homme présent pour le connaître à fond. Note. Telle est la méthode d'observation si vantée de nos jours comme une découverte. Fin de la note. 2. Notre âme connaît-elle ses habitudes par leur essence? Notre âme connaît ses habitudes par leurs actes, et non par leur essence. Je perçois que j'ai une habitude, lorsque j'en produis les actes. L'étude réfléchie des actes me conduit à la connaissance des propriétés de cette habitude. La foi elle-même ne se révèle à notre âme que par les actes de notre cœur. Nous savons que nous avons cette vertu, parce que nous en produisons les actes. 3. L'intelligence connaît-elle ses propres actes? Saint Augustin formulait ainsi la réponse à cette demande, « Je vois que je comprends. » Le premier objet de notre intelligence n'est pas de se connaître elle-même, c'est de percevoir la nature des choses matérielles. L'acte par lequel nous percevons ces choses ne vient qu'en second lieu à notre connaissance, et c'est par lui que l'intelligence se connaît elle-même dans son état parfait, qui est la connaissance actuelle. 4. L'intelligence connaît-elle l'acte de la volonté? Je sais que je veux, répondait saint Augustin. L'acte de la volonté est d'une manière intelligible dans le sujet intelligent comme dans son principe, et c'est là ce qui faisait dire aux philosophes que la volonté est dans la raison. Puisqu'il en est de la sorte, l'acte de la volonté est nécessairement connu de l'intelligence, d'abord en tant que l'homme sait qu'il veut, puis en tant qu'il connaît la nature de cet acte, et, partant, la nature même de son principe, qui n'est autre qu'une habitude ou une faculté. Note. Il est notoire que ce qui est dans la volonté est aussi dans l'intelligence d'une certaine façon, il n'en saurait être autrement, puisque ces deux facultés ont pour sujet la même substance, qui est l'âme, et sont même en quelque sorte le principe l'une de l'autre. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.